paysage sonore. C'est le Nord. J'enregistre toujours les sons que j'entends de mon jardin pendant le confinement. Cette fois, c'est un rituel chaque soir dans le quartier, à la tombée de la nuit. La fermeture des volets des voisins. Mécanique des sons.com.